audio et électronique. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy. On va passer la prochaine heure à écouter de la musique qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, comme à l'habitude, pour vous, j'ai fait un tour des internets pour retrouver de la musique qui est disponible souvent sous licence Creative Commons, Copyleft et Domaine Public, etc. Donc, c'est des trucs que vous pouvez télécharger gratuitement, sans obligation. C'est très important. Vous n'aurez pas de courriel à fournir ou de trucs du genre. Vous téléchargez tout simplement les pièces et les albums au complet. Vous en profitez, vous partagez surtout avec vos amis, avec vos proches. C'est la meilleure paye que ces artistes-là peuvent avoir, donc ils ont besoin de beaucoup d'exposition. Si les pièces vous intéressent, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. J'ai fait une playlist pour vous. Vous avez les liens pour télécharger toute cette bonne musique. Donc, cette semaine, on va débuter avec un artiste de Los Angeles aux États-Unis. Il s'agit de Romo. Je vous fais entendre sa pièce Daydreams. C'est publié sur l'étiquette Dust & Wax Kingdom. Ensuite de ça, de la Pologne, on va entendre Noiser avec la pièce Magical Element. Donc, on va débuter avec ces deux pièces-là, puis je vous reviens tout de suite après. Thank you.

jak jest koniec, aż nie jest koniec. Puenta, rozumiesz? Wszyscy grają podle. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre deux artistes publiés sous l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Ce qu'on venait d'entendre à l'instant, c'était un Polonais du nom de Noiser avec sa pièce Magical Element. C'était précédé par la pièce Daydreams par Romo, un artiste qui nous vient de Los Angeles aux États-Unis. On poursuit l'émission avec un artiste, plutôt un duo d'artistes publiés sur l'étiquette Electro Sound, c'est Pitch Razaz. Je vous fais entendre leur pièce Mojave Embrace. Ensuite de ça, sur l'étiquette Enough Records, un peu de Amitron 7, un artiste de Manchester. Je vous fais entendre sa pièce He Look Like a Frog. C'est tiré de son album Come Ye Sinners to the Gospel Feast. Donc, c'est ça, on écoute ces deux pièces-là. Web Musique et je vous reviens tout de suite après. Thank you. on the fucking bus and it kicked in. You know, usually it takes an hour to kick in. Shit, now this is kicking like 20 minutes. So I'm kind of fucked. And you know how like when you're out at, like, you know, shit kind of breeze, you know, the colors are brighter, you know, you see traces and shit. Not on 20 or 30 hits, you don't, you lose your fucking mind, man. Like, I almost went blind. I was listening so hard, I was seeing shit like melt before my eyes. I couldn't read. My whole frame of vision was like constantly like shifting like that. I was like, what the fuck? And I missed my bus stop because I was high as fuck. I got off at the wrong bus. The wrong bus stop. And I was only like maybe a mile away from my house, right? But I was so high I couldn't even fucking walk straight, man. I ended up sitting next to the canal, talking to myself until the sun came up. And I peaked for like 5 or 6 hours, man. Not like 1 or 2 hours, like a couple hits. I peaked like at least 5 or 6 hours. I lost all concept of reality and time. It was quite spiritual, and I wasn't really scared though, because I knew it was just the drug. So I was more worried that I couldn't find my way home. And it took me like 8 hours, which should have taken me like 20 minutes. But I made it. I made it. And I was high for like 2 days. Kind of sucked. I started to get worried after a while because I was like, am I ever going to not be high again? And that was my experience. I don't recommend taking that much LSD. It's probably unhealthy. I don't think I've been right ever since. Thank you. see us holding. Two, one. Entry permitted 0901. Security on full alert, sir. We lost BCS again. BCS fade out at 0901 plus 7. I'm up a tree. C'était une pièce de Amitron 7, la pièce intitulée He Look Like Frog. C'est tiré de son excellent album Come Ye Sinners to the Gospel Feast. C'est sur l'étiquette Enough Records. Je vous invite chaleureusement à le télécharger, un album vraiment envoûtant. Avant ça, on entendait un duo du nom de Pitch Razaz. C'était la pièce Mojave's Embrace. C'était sur l'étiquette Electro Sound. On poursuit avec un artiste de la Russie du nom de Kay Angle. Je vais entendre sa pièce Calls and Echoes. C'est publié sur l'étiquette Southern Cities Lab, une étiquette qui nous vient également de la Russie, je crois. CKRL 89.1. Faites un don pré-radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Quand la relation se termine, la personne est souvent plus vraiment dans ta vie, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une ombre qui est comme une espèce de trace qui reste en toi parce que t'as passé X années avec elle. Puis quand vos ombres s'allongeront au-dessus de nous, nous serons des éponges qui garderont tout de vous. Antoine Corriveau et son souffle ininterrompu à Sentier Secret, mardi 25 mars à 10h. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un artiste de la Russie du nom de Kay Engel. Je vous faisais passer sa pièce Calls and Echoes. C'était sur l'étiquette Southern Cities Lab, une étiquette qui nous vient de la Russie. On poursuit avec un truc publié sur l'étiquette japonaise Bumfoot. C'est un artiste de la ville de Kaliningrad en Russie. C'est Project Hypoxia. Je vous fais entendre la pièce Sublimation. C'est tiré de son album Way of Mind. Ensuite de ça, un peu de Sisters. Vous allez voir une pièce assez tordante. C'est sur l'étiquette Diabetic Koala. C'est donc Sisters qui nous viennent de Ocean Springs, c'est dans le Mississippi. Vous allez voir, pièce assez tordante. Donc pour tout de suite, à Web Music, on écoute Project Hypoxia. Thank you. C'était Sisters avec la pièce Safe from Harm. Donc, vous l'avez remarqué, une pièce extrêmement ralentie. J'ai absolument aucune idée de l'original de la pièce. S'il y a quelqu'un qui connaît cette pièce originale, contactez-moi. Je voudrais voir la différence entre les deux. Je suis pas mal certain que l'original est beaucoup moins intéressante. Je préfère vraiment la version ralentie. Ça donne une touche vraiment spéciale. Donc, c'est ça, c'était Sisters. La pièce Safe from Harm, c'était sur donc l'étiquette Diabetic Koala Sisters qui viennent de Ocean Springs dans le Mississippi. Avant ça, de Kaliningrad en Russie, c'était Project Hypoxia avec la pièce Sublimation. Ça, c'était sur l'étiquette japonaise Bombfoot. On poursuit avec un artiste de l'Angleterre du nom de Ital Tech. Je vais entendre sa pièce Golden. We'll be right back. C'était donc de l'Angleterre, c'était Italtech avec la pièce Golden. Ça va déjà être tout pour Web Music. Mes collègues, donc Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin, s'en viennent avec la croche-oreille. Donc, restez à l'écoute. Encore une autre bonne émission qui s'en vient. Nous, on se quitte sur une pièce de, attendez un peu, de Captive Portal, la pièce Internally Grateful. C'est Captive Portal, nous viennent de Chicago. C'est sur l'étiquette Mahorka. Donc, on se laisse là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous à compter de 20h le dimanche prochain pour une autre émission de Web Music. D'ici là, ben, passez une excellente soirée à l'antenne de CKRL. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL, Québec. CKRL présente Caroline and the Stars Above. I got my mojo working, but it just won't... Au Bal du Lézard, le 5 avril. Caroline and the Stars Above. Au bal, à 21h. $5 à l'entrée. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. Je ne sais pas qui je suis. Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et cette grande fête radiophonique sera présentée par La Barberie. Je ne sais pas ce que je fais ici. La boîte à pain Café Napoli. Je ne sais ni d'où je viens ni où je vais. Le Bal du Lézard et l'Hôtel Château Laurier. Ne manquez pas cet événement unique, les 4, 5 et 6 avril. Plus ça va, moins je compte.